Marianne Denicourt lit Monsieur Proust, de Céleste Albaret. J'ai appris le respect du silence pendant que Monsieur Proust reposait ou qu'il travaillait. Et l'attente, avant son réveil dans l'après-midi ou avant son retour dans la nuit quand il était sorti. Tout cela demeure dans ma mémoire comme cela devait être alors, une sorte de confusion. Comme quand on entre dans une vie qui vous change de tout ce qu'on a connu, avec en plus la fascination d'un personnage comme on n'imaginait pas qu'il pût en exister un, et qui devient, avec une douceur plus grande que toutes les forces, le centre de cette vie. Tantôt tout près, par sa bonté et sa délicatesse, tantôt très loin, dans la réflexion de sa pensée. Nous étions en 1914, et brusquement, dans les premiers jours de septembre, il a décidé, malgré la guerre, de partir pour Cabourg, sur la côte normande, comme tous les étés jusque-là. Il se trouvait trop abandonné à Paris. Au bout du compte, nous voilà, le trio, embarqués dans le train. Moi, près de Monsieur Proust, et dans le compartiment voisin, le valet suédois qui remplaçait Nicolas. J'ai le souvenir qu'il s'appelait Ernest. Monsieur Proust était très fatigué en arrivant, mais heureux aussi de retrouver son grand hôtel, avec sa chambre de chaque été. À l'hôtel, c'était une vraie fête pour sa réception. Il n'était pas difficile de voir qu'il était estimé, admiré, aimé. Tout le monde était à ses pieds et ne savait que faire pour lui plaire. En bas, je revois la grande terrasse sur la mer. Ensuite, je me souviens qu'on montait tout en haut. Il y avait trois chambres ensemble, retenues au dernier étage, toutes donnant également sur la mer. Au-dessus de ces chambres, l'hôtel comportait encore une terrasse, dont l'accès était condamné pendant toute la durée du séjour de Monsieur Proust, par égard pour lui. « Je ne veux avoir ni voisin, ni personne qui marche sur ma tête, m'a-t-il dit. » « Vous prendrez cette chambre-ci, à côté de la mienne, comme Nicolas autrefois. Ernest prendra l'autre. » Chaque chambre avait son entrée fermée avec sa salle de bain, qui l'isolait des bruits du couloir de l'étage. La sienne était toute simple, beaucoup moins belle que la mienne même. Un grand lit, sans rien d'extraordinaire, quelques sièges, des tables où il rangeait ses cahiers et ses livres. Pas de cheminée, il n'y en avait pas besoin puisque l'hôtel n'était ouvert que pour l'été. De la fenêtre, on ne voyait pas la terrasse de l'hôtel, mais on avait la vue sur la jetée. Avec lui, il ne fallait pas qu'il y ait d'interruption dans les habitudes. Il m'a dit « Vous vous occuperez de mon café ». On n'emportait rien pour cela, mais au bout du couloir de l'étage, il y avait un office pour les valets et les femmes de chambre de l'établissement, et là, tous les jours, avec les ustensiles de l'hôtel, je lui ai préparé son café comme à l'ordinaire. Ainsi, la vie s'est organisée à peu de choses près comme à Paris. Il restait beaucoup couché, il descendait parfois à l'heure des repas, mais il ne dînait pas. De tout le séjour, je ne l'ai pas vu avoir un rendez-vous, ni donner à dîner à l'hôtel. Le soir, il ne sortait pas beaucoup. C'est là que j'ai commencé à me rendre compte d'un trait de son caractère, qui était de vouloir être près des gens, au cas où il aurait besoin ou envie de les voir, pour ses raisons à lui, mais en refusant les obligations qui pouvaient venir d'eux. Mais c'est pourtant là qu'il s'est fait un grand cheminement dans nos rapports. À Cabourg, il était moins calfeutré. Boulevard Haussmann, jamais on ouvrait les rideaux, et encore moins les fenêtres de sa chambre tant qu'il y était. Au grand hôtel, on ouvrait les rideaux dans l'après-midi. Et lui aussi, il s'ouvrait beaucoup plus. C'est à ce moment-là qu'au bout de quelque temps, il a renoncé à me dire « Madame » pour m'appeler Céleste. À ce moment-là aussi qu'il a commencé à me retenir de temps à autre pour causer. Je sentais que sa confiance augmentait. Et moi-même, j'étais déjà plus à mon aise, plus libre de paroles et d'attitudes, ce qui ne nous empêchait pas d'avoir toujours une certaine distance comme ça. Lui à sa place, moi à la mienne. Je crois qu'Ernest, avec sa prétention, a été un bon sujet de détente entre nous. Il est devenu un grand sujet de conversation. On parlait tout le temps de lui quand on était ensemble. J'imitais ses airs gourmets. Proust aussi, on riait beaucoup. La spontanéité de mes 23 ans prenait le dessus. Je lui renvoyais ma réplique, et comme je sentais à son rire franc que je l'amusais, je continuais. Il se donnait la peine de m'intéresser à Cabourg et à ses environs. Souvent, il me reprochait de ne pas avoir la curiosité du pays et de ne pas vouloir sortir en promenade. « Vous n'avez qu'à prendre une voiture. Je la paierai. » « Mais monsieur, c'est que je n'en ai pas envie. Je me trouve bien ici avec vous. » Je me rappelle que nous nous promenions sur la terrasse. Il s'est arrêté et il m'a envoyé un sourire comme un soleil. « Merci, Céleste », a-t-il dit. C'est encore à Cabourg qu'il a commencé à me parler un peu du passé et de lui. Moi, je buvais tout cela et ma jeunesse s'émerveillait. J'entrais dans l'enchantement où petit à petit il m'amenait. Un soir, j'étais dans ma chambre. Il s'était levé ce jour-là et il m'a dit d'un air complice « Je veux vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu. Mais d'abord, allez voir s'il y a quelqu'un dans le couloir parce que je ne suis pas habillée et je ne peux pas sortir ainsi. » Il était en pantalon, veston d'intérieur et pantoufles. Je vais voir, personne, il me dit « Venez avec moi. » Il me prend par la main comme une petite fille et il m'entraîne au bout du couloir où il y avait un grand œil de bœuf. Et dans l'œil de bœuf, il y avait tout le soleil couchant, avec la mer en feu en dessous qui rutilait. Et pendant que je regardais, tout ému autant du geste que du spectacle extraordinaire, il m'a dit « Regardez ce reflet, mon Dieu que c'est beau. Pour moi, c'est toujours un ravissement. » Et il a prononcé cela sur un tel ton d'extase que la petite fille que j'étais en a été toute pénétrée. Il m'a conduite plusieurs fois à cet œil de bœuf, mais jamais je n'ai été aussi émue qu'à la première. C'était un séjour merveilleux, mais qui n'a pas duré. Les choses de la guerre se sont compliquées. Nous sommes repartis vers la fin de septembre. Jamais je n'oublierai ce retour. Ce fut dramatique. Nous étions partis, tout allait bien, quand il a été pris d'une crise terrible d'étouffement. Nous étions à la hauteur de Mésidon, dans le Calvados, et entre deux étouffements, il m'a expliqué que c'était toujours là que cela lui arrivait dans ses voyages à Cabourg, toujours en passant à Mésidon, et jamais à l'aller, toujours au retour. Je me souviens très bien qu'il m'a dit, au milieu de sa crise, « Chaque fois, cela me prend brusquement ici. Il y a sûrement dans l'air quelque chose que je ne supporte pas, peut-être parce que c'est la saison des foins. » Je ne sais pas comment nous avons fini par nous retrouver boulevard Haussmann. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour lui. Il m'a dit « Laissez-moi seul, n'appelez personne, je n'ai besoin que de mon lit et surtout ne venez pas avant que j'aie sonné. » Je l'ai laissé. Je le revois encore au moment où je sortais. Il transpirait, transpirait et continuait à suffoquer, plié en deux dans son lit. J'étais terrifiée. J'ai attendu à la cuisine, sûre de ne pas le revoir vivant. Mais peu à peu, la crise s'est calmée. Dans la soirée, il m'a appelé. Il était couché. Et il m'a dit « Ma chère Céleste, il y a une chose que je dois vous dire. J'ai fait ce voyage de Cabourg avec vous, mais c'est fini. Je ne ressortirai jamais plus. Jamais plus je n'irai à Cabourg ou ailleurs. Les soldats font leur devoir. Puisque je ne peux pas me battre comme eux, le mien est d'écrire mon livre, de faire mon œuvre. Le temps me presse trop pour que je puisse me consacrer à autre chose. » Et c'est ce même soir-là de septembre 1914, où il est entré volontairement dans sa vie de reclus pour les 8 dernières années de sa vie et de son œuvre, que moi qui ne savais rien faire, et bien que ce ne fût pas décent comme il l'avait dit, j'y suis entré aussi. Pour y rester jusqu'au bout. C'était Monsieur Proust de Céleste Albaret. Extrait lu et choisi par Marianne Denicourt. Enregistrement, montage et mixage, Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Pascal II. Souvenirs recueillis par Georges Belmont et publiés aux éditions Lafont.